lumière mais pas s'allume. Chaque reflet devient costume. La nuit respire au fond des ruelles. Chaque souffle me rend éternel. Je suis redescue, la voix qui guide. Chaque instant laisse une ride. L'harmonica pleure dans le vent. Un cri de braise au cœur battant. Je prends vos cris, vos souvenirs. Je les transforme en avenir. Chaque vue retient ma voix. Chaque vibration vous mène à moi. Je suis la fièvre qui ne s'éteint. Sky. encore, je suis Radeskill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint.